Le but des Américains, c'est pas de gagner la guerre. Ça n'a jamais été leur but. D'ailleurs, à part la guerre d'indépendance, est-ce qu'ils ont gagné une guerre? Je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale, ils sont arrivés à la fin. Le but des Américains, c'est d'engendrer la guerre pour contenir leur économie. D'ailleurs, plus ça va mal en Israël, puis plus ça va bien les banques américaines amontent. Les quelques banques américaines qui vont survivre, qui vont manger les autres. Je regarde ça aujourd'hui, JP Morgan amonte, Morgan Stanley, Mais Bank of Goldman Sachs, America. ça augmente, c'est-à-dire que la valeur des actions de la banque augmente. Oui. OK. Ben, c'est sûr, les Américains, ils ont fait en sorte que tout le monde donne leurs armes à l'Ukraine. Ben, ou ce qui restait de ce qu'il y avait d'armement. Là, si il y a un nouveau conflit qui éclate plus sérieux, il va falloir se réarmer. Les pays de l'Occident ne vont pas acheter leur armement à la Russie ou à l'Iran, ils vont l'acheter aux Américains. Et eux autres vont pouvoir leur vendre, donc ça représente pour eux une opportunité d'affaires. C'est ça. Ben, ce qui fait la valeur du dollar américain, c'est leur capacité de nuisance. Parce que c'est le pays le plus endetté de la planète, là. Oui, puis aussi que ça a été pendant longtemps la devise utilisée pour transiger le pétrole. Là, c'est sûr que les pays du BRICS cherchent à faire opposition à ça, cherchent à ce que le pétrole soit négocié en euros, voire même à générer une monnaie là, qui. Autres là, qui unirait les pays là, du BRICS, là, comme le Brésil, la Chine, donc l'acronyme BRICS, là. Ben, c'est drôle, hein, qu'il y ait eu une entente entre l'Arabie Saoudite puis Israël pas longtemps avant. C'est-à-dire, avant de commencer à jouer des pièces, ils ont placé le jeu un peu. Moi, je le vois comme ça. C'est sûr qu'il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, ils vont tout le temps être quelque part sur le bord de l'Occident. Parce que c'est une autre création de l'Occident. Les Saouds, ils se sont pas fait tout seuls, là. Non, ils ont été influencés par les Américains. Et les Américains, ils ont l'Arabie Saoudite présentement et Israël comme porte d'entrée d'influence au Moyen-Orient. Mais les cerveaux de tout ça, c'est britannique. Qui sont derrière les Américains, car n'oublions pas qu'à la base, Ouais. les États-Unis, c'est une colonie britannique. Ben oui. Puis il y a aussi tout le côté. Le côté logistique, entre autres, lui, il est un petit peu transnational. Ce qu'on pourrait dire des juifs athées, sionistes, comme tu as Henry Kissinger aux États-Unis. Puis là, il y a Jacques Attali qui aurait quitté la France dernièrement. Il est allé en Arabie Saoudite, il va conseiller Ben Salman. Puis Ben Salman, ben, lui, il fait des coupes en morceaux des journalistes, puis personne ne dit rien. Les autres journalistes en Occident, ils disent pas rien. Parce que quelque part, ils ont hâte de pas trop en parler. Mais c'est pire comme dictature que Poutine, là. Mais les services américains, c'est leur stratégie. Faut ils se créent des ennemis. Mais c'est des ennemis. Moi, à mes yeux, c'est un peu comme du théâtre, comme dans le sens que l'opposition avec l'Union soviétique, j'ai jamais cru ben, ben. Oui, ben ça peut être ce que certains appellent une opposition contrôlée, comme le théâtre que court, par exemple, dans un match de lutte où on a l'impression que deux personnes se battent, alors qu'en réalité, les deux sont complices, puis c'est une mise en scène. Ben oui, à mes yeux, comme la Chine, par exemple, c'est un sous-traitant des Américains, entre autres. Ben, ce qu'on pourrait appeler l'Empire Atlantiste, c'est-à-dire que ça sort de laboratoire, puis c'est aussi une région où on sous-traite pour faire des expériences, entre autres sur la population.